On va parler des Huskies de Rouyn-Noranda, de Gilles Bouchard, de Normandin. On sait que les Huskies sont en série. Si les Saguenayens ont surpris à Batters, ben, Gilles Bouchard et les Huskies, eux, affrontent une équipe quand même assez redoutable. Le Phoenix de Sherbrooke qui a bien fini l'année. On en parle avec Gilles. Salut, Gilles! Bon, salut! Gilles, d'abord, effectivement, j'ai fait une analyse avec Yves Bolduc vendredi, puis on disait que ce serait une série, probablement la série la plus serrée de la première ronde dans la Ligue junior du Québec. D'accord avec ça? Oui, ben écoute, c'est embêtant, mais c'est sûr que ça va être une bonne série, puis c'est deux bonnes équipes, puis comme tu as mentionné au début, là, Sherbrooke qui ont été une des meilleures équipes de la Ligue après Noël, fait que c'est une équipe qui a beaucoup d'habileté offensive, beaucoup de vitesse. Fait que c'est une équipe qui est redoutable tout le temps. Hein. OK. Du côté des Huskies, là, on s'en va à Sherbrooke. Hey, c'est combien d'heures d'autobus en passant Sherbrooke-Rouyn-Noranda? C'est un bon petit bout, hein? Une dizaine d'heures environ. Une dizaine d'heures. Donc, la formule 2-3-2, est-ce que c'est en vigueur? Parce que ça dépend du kilomètre. Non, elle n'est pas en vigueur. Elle n'est pas en vigueur. Elle n'est pas en vigueur pour l'année prochaine. Là, le règlement de 600 km va être en vigueur à partir de l'an prochain. OK. Donc, j'imagine que du côté du Phoenix, du côté des Huskies, c'est au moins d'aller chercher une partie parce qu'on sait qu'à Sherbrooke, parce qu'on sait que ça risque d'être une série très longue. Oui, bien écoute, nous autres, on ne change pas de philosophie. C'est vraiment d'y aller un match à la fois. Puis, c'est une série, ça peut être long, c'est des détails qui font la différence. Fait qu'il faut se concentrer, faut continuer à se concentrer sur nous autres, notre façon de jouer. Puis, on n'a pas eu un grand match lors de notre première rencontre à Rouyn. Puis, sauf qu'on est revenu fort samedi avec un bon match. Là, on a reconnu vrai Husky. Fait que c'est vraiment de la façon qu'il faut se comporter à tous les matchs qu'on va jouer d'ici la fin de la série. Okay. Gilles, es-tu content quand même de l'année? Parce que moi, je me rappelle, j'ai parlé avec toi en début de saison. Tu disais quasiment que tu étais en reconstruction du côté des Huskies. Est-ce que tu es content de l'année pareil? Oui, on est content de la façon dont ça s'est passé. Écoute, on est en transition cette année. Puis on était dans le top 5 une bonne partie de l'année. Puis on a eu un mois de février plus difficile un petit peu. Beaucoup de blessures toute la saison. On n'a pas joué avec notre équipe. Une fois de l'année, avec un alignement complet. On a vécu quand même beaucoup d'adversité, puis les gars, ben, ils n'ont pas abandonné, puis on a réussi à finir 7e au classement général, pas bien loin de la 4e place non plus. Fait que dans l'ensemble, pour une année en transition, là, on a plusieurs joueurs qui reviennent l'année prochaine avec nous autres, là, fait que c'est positif pour l'avenir, là. OK, Gilles, justement, si ça a été positif, c'est certainement à cause d'un gardien but d'Alma, Samuel Harvey, hein. Il est extraordinaire, ça, hein? Exactement. Samuel, il était excellent toute la saison, il était constant. Puis, c'est vraiment lui qui nous a permis de nous garder dans la haute du classement toute la saison. Il a été vraiment efficace, puis c'est le fun pour lui, là. OK. Tu penses-tu que ça va au moins lui donner une chance d'être à tout le moins, s'il n'est pas repêché, parce que son année de repêchage est passée, penses-tu que son année va faire en sorte qu'il va avoir au moins une invitation à un camp professionnel? Bon, c'est sûr que, tu sais, les meilleurs goalers de la Ligue cette année, ils vont mettre un trophée, là. Il y a là des rondelles d'or bientôt, fait que, écoute, c'est certain que s'il n'est pas repêché, ils vont avoir une invitation, ça c'est sûr et certain. Il a été meilleur gardien de la Ligue cette année, puis constant, fait que c'est sûr qu'il y a une équipe qui va cogner à la porte pour Samuel, puis sait-on jamais après ce qui peut arriver, non? Ben oui, c'est sûr. Ben Gilles, on va te souhaiter la meilleure des chances, c'est une série, j'ai l'impression qu'il sera très très long entre les Huskies de Rouyn-Noranda et le Phoenix de Sherbrooke, pour plaisir de se reparler à la fin de la saison. Oui, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. L'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda et natif de Normandin, Gilles Bouchard.